L'actualité à Nancy et ailleurs. Les 4 et 5 novembre, c'est la biennale de l'exposition Modélisme à Bainville-sur-Lot. Philippe Bosch, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la section aéromodélisme au sein du club. Est-ce que déjà pour commencer, vous pouvez nous présenter en quelques mots le club aéromodélisme de Bainville ? Oui, alors en fait, le club aéromodélisme de Bainville-sur-Lot fait partie de l'association de la Maison des Fêtes et de la Culture. C'est un club qui existe depuis environ 45 ans et nous organisons comme tous les deux ans une exposition au sein de la Maison des Fêtes à Bainville-sur-Lot. Une exposition qui se déroule donc tous les deux ans, qui aura lieu sur deux journées, samedi 4 et dimanche 5 novembre. De l'aéromodélisme, mais pas que, mais c'est quand même l'essentiel de ce qui sera présenté lors de cette exposition. Oui, effectivement, parce que historiquement, le club de modélisme est effectivement un club aéromodélisme, donc c'est essentiellement de l'avion radiocommandé avec tout ce qui vole. C'est-à-dire planeur, drone éventuellement, également hélicoptère, mais dans le cadre d'une exposition, étant donné qu'il faut un petit peu satisfaire toutes les curiosités, eh bien nous invitons à cette exposition aussi bien du maquettiste statique plastique que du train, que du camion et d'autres métiers du maquettisme en fait. Est-ce qu'il y aura des démonstrations lors de ce week-end ? Alors pas de démonstrations en vol parce que c'est beaucoup trop compliqué à mettre en place au sein d'une ville, on va dire, parce que des gros modèles comme ça ne peuvent pas évoluer de cette façon-là. Quand on dit gros modèle, c'est quoi comme taille à peu alors, près ? Alors gros modèle, ça peut aller très très grand. Bon, les plus gros modèles qui seront visibles chez nous devraient tourner aux alentours de 3,50 m d'envergure. Après, ça peut monter même beaucoup plus haut. Bon, c'est déjà cela qu'on va accueillir. Des modèles comme ça ne peuvent pas évoluer. De même, même des modèles plus petits, de toute façon, ça demande de mettre une mise en sécurité du public qui est incompatible avec les locaux et ni même l'extérieur. Donc, on se contente de faire de l'exposition statique. Par contre, il y a d'autres animations. Il y a des camions radiocommandés, donc cela peut bien sûr évoluer dans la salle. Camions, pelleteuses, il y a également du mécano aussi qui bouge. Il y a quelques bricoles comme ça, le train, bien entendu. Donc, tout ça, ce sont des choses qui peuvent évoluer en sécurité, donc qui ne posent aucun problème pour la mise en œuvre vis-à-vis du public. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, personnellement, à faire de l'aéromodélisme ? Alors c'est un vieux rêve de gosse, hein, parce que ça a démarré, je devais avoir une douzaine d'années, quand j'ai découvert l'aéromodélisme, ça a tout de suite été une passion, parce que la possibilité de fabriquer des petits avions et de pouvoir les faire voler ensuite, voilà, c'est un truc sur lequel j'ai accroché tout de suite, et puis c'est toujours resté, quoi. Ça demande aussi beaucoup d'apprentissage, bien sûr des consignes de sécurité, mais même techniquement, on a peut-être l'image de petits avions, mais vous avez dit des avions de 3,50 m, ça ne se pilote pas aussi simplement que des modèles beaucoup plus modestes ? Oui, tout à fait. Enfin, on n'arrive pas à faire voler des avions de 3,50 m comme ça du jour au lendemain. Mmh. On passe toujours par une phase d'apprentissage. Le plus sage étant de passer justement par l'intermédiaire d'un club qui va pouvoir prodiguer des conseils et qui va surtout vous éviter des erreurs qui risqueraient de vous dégoûter finalement de cette nouvelle passion qui pourrait arriver. Et donc à partir de là, nous sommes là pour apporter le conseil et puis pour faire justement en sorte que les gens puissent apprendre à voler en toute sécurité et pour leur permettre ensuite de faire voler des avions beaucoup plus importants au fil des années qui passent. Voilà, des conseils, je pense que beaucoup seront donnés lors de ce week-end aussi, des 4 et 5 novembre à la Maison des Fêtes et de la Culture de Bainville-sur-Lot. Pour des personnes qui n'auraient encore jamais fait d'aéromodélisme, on vient à votre rencontre, on pose plein de questions et vous aurez plaisir à y répondre, j'imagine. Ah bien entendu, on aura toutes les réponses de toute façon à ce moment-là. Et puis voilà, c'est relativement facile aujourd'hui parce que le aéromodélisme par l'intermédiaire de diverses boutiques, c'est beaucoup tourné vers le public, donc c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'accéder à l'aéromodélisme, d'autant plus que l'électronique embarquée dans les avions fait que les avions sont beaucoup plus faciles à piloter aujourd'hui. Il y a des systèmes qui leur permettent d'être autostables, et ainsi de suite. Donc en fait, on arrive à pouvoir voler assez facilement tout seul, très rapidement. On peut venir donc à votre rencontre lors de ce week-end des 4 et 5 novembre. Ce sera à la Maison des Fêtes et de la Culture de Bainville-sur-Lot. Ça commence donc le samedi à partir de 14h. Ce week-end, c'est aussi l'occasion d'une bourse modéliste, en deux mots. Oui, tout à fait. Les gens qui veulent éventuellement échanger ou vendre un petit peu de matériel ont la possibilité de le mettre en exposition au moment de cette exposition et ils ont la possibilité de vendre leur matériel sans aucun problème. Voilà, et l'entrée est bien sûr gratuite lors de ces deux journées. Et on peut retrouver votre club sur Internet à l'adresse amfc.aero.free.fr. Philippe Bosch, merci. Merci à la radio Fadjet pour cette interview. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.